Le sourd qui n'avoue pas, par Jules Moineau. Expliquez cela, on rit des sourds. Les chroniqueurs en ont fait les héros des plus cocasses anecdotes. Les vaudevillistes ont trouvé dans la surdité matière à des pièces qui ont survécu à tant d'œuvres charmantes aujourd'hui oubliées. On rit de ces infortunés qui sont généralement tristes et souffrant visiblement de leur isolement dans la conversation, de leur privation des joies faites pour l'oreille, telles que la musique, excepté, ce qui aggrave leur supplice, l'orgue de barbarie, toujours vainqueur des surdités les plus indomptables. Ils n'ont qu'une compensation, s'ils sont mariés à des femmes acariâtres, c'est de ne pas les entendre crier. Par contre, on plaint les aveugles, qui sont remarqués pour leur gaieté soutenue. On cite même une femme célèbre, d'une sensibilité dont tant ont eu à se louer, à qui cette plainte d'un mendiant aveugle, « Ayez pitié d'un malheureux privé de la plus grande joie de ce monde », arracha un cri de compassion que les chroniques du temps ont enregistré. Mais cette dame étant Ninon de l'Enclos, les beaux esprits prétendirent que par la plus grande joie de ce monde, elle n'avait pas compris qu'il s'agissait de la vue. Mais ce Poinmenu, le héros de cette nouvelle, était d'humeur tout opposée à celle des sourds. Sa gaieté était peut-être simulée, mais pour tout le monde, cet homme était un joyeux. Donnons immédiatement l'explication, c'était un sourd qui n'avouait pas. Faut-il critiquer cette coquetterie chez un homme jeune encore et mondain? Que celui qui n'a jamais entendu un mot d'ici là, une fois dans sa vie, était au-delà de l'aveu d'oreille dure. M. Poinmenu soutenait assez habilement son rôle, qu'il exposait cependant à des mésaventures souvent comiques. Ainsi entré, un soir de désœuvrement dans un théâtre, sans même lire l'affiche du spectacle et ignorant qu'on jouait une pantomime, il se mit à crier « plus haut !» à la grande gaieté d'une partie de l'auditoire qui avait deviné un sourd. À l'indignation de la claque qui, croyant un cabaleur, répondit par le cri « à la porte !» Un voisin charitable lui articula fortement dans l'oreille « mais monsieur, c'est une pantomime !» Et l'habile homme, voyant qu'il s'était trahi, de répondre « je le sais bien, monsieur, c'est à l'orchestre qui paraît dormir que je m'adresse. » Et il se tirait d'affaire ainsi, quelquefois. Mais on n'a pas toujours le voisinage d'un inconnu dont l'impression d'ailleurs est sans importance. Dans le monde qu'on fréquente, la chose est plus difficile. Notre sourd avait donc imaginé ceci, les poches pleines de bouquins scientifiques, en tenant toujours un qu'il lisait en marchant. Il se disait membre d'une académie de province et passait pour un savant, un rêveur, toujours occupé de choses de science. Comme bon nombre de sourds, d'ailleurs, il s'était habitué à lire sur les lèvres de ses interlocuteurs et il lui restait toujours quelques mots de ce qui avait été dit, de sorte que pour les personnes qui ne le connaissaient que superficiellement, il paraissait avoir entendu sans porter attention aux paroles prononcées et chacun de se dire « il a toujours la tête ailleurs, ce brave monsieur ». En matière matrimoniale, cette comédie n'aurait pas pu durer longtemps. On ne fait pas la cour à une jeune fille en pensant à autre chose. Et il faut répondre ad rem. Aussi M. Poinmenu ne s'était pas marié, et pour expliquer son célibat persistant et endurci, il se répandait en anecdotes satiriques sur le mariage, les maris et leurs infortunes, et s'était acquis la réputation de mauvaise langue, de sorte que les coupables tremblaient à la crainte des indiscrétions d'un homme qui ne savait rien parce qu'il n'entendait rien. Il est à peine besoin d'ajouter que la mise en scène de notre sourd n'avait trompé qu'un nombre restreint de ses connaissances, les autres respectaient sa faiblesse et il resta, réellement pour les uns, en apparence pour les autres, le savant distrait, jamais à la conversation, jusqu'au jour où un petit événement tout à fait réjouissant vint dénouer une comédie si longtemps jouée avec succès. Du même coup, au reste, un nommé M. de Valognes lui dut un beau cierge. Ah, le pauvre mari, il l'a échappé belle, et cela après moins d'un an de mariage. Sans notre sourd, il n'en serait pas revenu. Il a d'ailleurs toujours ignoré ce sauvetage de son honneur conjugal, et le sauveteur lui-même ne s'est jamais douté de sa bonne action. Monsieur de Valognes, appelons-le le docteur Valognes, car il est médecin, le docteur Valognes donc, était un homme de talent dans son art. Mais on peut être très fort sur le diagnostic des maladies et ne rien comprendre à celui du mal d'amour, ce qui lui arriva quand en fut atteinte sa jeune femme qu'il adorait. Malheureusement, il lui manquait ce qu'on appelle le « je ne sais quoi », rêvé par certaines épouses qui ne le savent pas elles-mêmes, et se bornent à répondre aux gens qu'étonnent leur boutade et leur air ennuyé. Ce sont de ces choses que vous ne pouvez pas comprendre. Pour les comprendre, il faudrait les connaître. Leur objecte-t-on ? Dites-les. Là est la difficulté. Mais juste au moment d'une crise, le hasard amène un oisif, libre de son temps, beau parleur, beau garçon, qui comprend la femme sans lui demander d'explication, et voilà la faculté de médecine sérieusement menacée dans un de ses membres les plus distingués. C'est le jour de sa consultation. Il est dans son cabinet. Le salon est plein de malades qui attendent leur tour. Quelques groupes se sont formés où l'on cause à voix basse. Une dame feuillette un album. Plus loin, un vieux monsieur regarde à sa montre. Près de lui, un grand sec tousse et mâche des pastilles. Les plus alertes vont, viennent, regardent les tableaux, d'autres lisent les journaux. Entre vivement madame. De sa fenêtre, elle a vu passer le facteur et trahit un mouvement d'impatience parce que la bonne n'est pas encore là avec les lettres. Elle regarde le tableau que nous venons d'esquisser, sourit amèrement et dit « C'est gai, un salon de médecin. » Puis, imitant les chuchotements, « ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah, que je m'ennuie. Enfin, voici la bonne portant des lettres et des journaux. Y a-t-il quelque chose pour moi? Donnez, je vais voir. » Et en disant « donnez », elle arrache le tout des mains de la bonne et cherche fiévreusement, agacée par les chuchotements, et elle répète avec ironie « ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah, une lettre pour moi. » Elle la met dans sa poche et sort précipitamment. La lettre emportée par Madame Valogne était du personnage signalé ci-dessus, le monsieur qui comprend les femmes incomprises. Hector de Guibrac, c'est son nom, sollicitait pour la 20e fois un rendez-vous constamment refusé. Cette fois, il était décidé d'en finir avec un amour qui le tue. La vie lui est devenue insupportable et le parti le moins extrême qu'il prendra sera l'exil. Il mettra les mers entre lui et son adoré, essaiera de l'oublier par le moyen, parfois efficace, des voyages, des distractions outrées, des excès de toutes sortes, et s'il ne réussit pas, alors... Ici, des points de suspension, laissant à la pauvre femme le soin d'achever la phrase. L'exil, la mort peut-être pour l'homme de qui elle était éperdument aimée et vers lequel elle se sent entraînée. Mais un rendez-vous, où, ici, c'est impossible. Quoi, alors, une chambre d'hôtel? Un cabinet particulier dans un restaurant? Oh, cela, jamais. Elle réfléchit longtemps. Ah, fit-elle tout à coup. « Oui, là nous pourrons causer, sans danger, sans que je puisse même être compromise si j'étais vue. Le hasard d'une rencontre dans un lieu public est une chose très naturelle. Oui, tout, décidément, dans cet endroit, je puis l'entendre. » L'endroit, c'était le musée Grévin. L'étourdie écrivit donc au désespéré d'amour qu'elle y serait le lendemain à 3 heures. Et à l'heure dite, elle y entrait. Guibrac l'y avait précédé. Il lui tendit les mains avec effusion. « Non, lui dit-elle vivement à demi-voix, promenez-vous dans le musée, nous nous y rencontrerons comme par hasard. » Elle prit la gauche du musée, le rue Guibrac prit la droite, et tous les deux se dirigèrent lentement vers le fond en s'arrêtant avec un intérêt simulé devant chaque sujet exposé. La rencontre se fit de la façon convenue. « Vous voyez, dit la jeune femme, je suis venue. » « Oh, merci, chère âme de ma vie, parlez vite, je tremble d'être aperçue. » « Vous parlez comme cela, debout? J'ai tant de choses à vous dire. Tenez, asseyons-nous ici, » fit-il en lui montrant un canapé. « Mais ce canapé est occupé, » fit-elle. « Ne craignez rien, ce sont des personnages en cire. » À ce moment, un promeneur fatigué vint s'asseoir à la place indiquée par Guibrac et les deux amoureux passèrent sans s'arrêter. « Voilà un endroit, » dit le séducteur. « Mais non, » dit la jeune femme, « il y a un monsieur qui lit le journal. »« Ça ne fait rien, il est en cire lui aussi. » Le couple prit place à côté du personnage et alors commença une conversation, ou plutôt un monologue enflammé de l'ardent Guibrac. « Dites-moi que vous partagez mon amour, » demanda-t-il avec persistance. « Personne ne passe à ce moment, nul ne peut vous entendre. » Et après un effort, Madame Valogne laissa échapper l'aveu sollicité. À ce moment, le bruit d'un froissement de papier se fit entendre. C'était le prétendu homme de cire qui tournait son journal. Les deux amoureux se retournèrent vivement et virent le lecteur qui les regardait en souriant. La jeune femme jeta un cri, se redressa comme un ressort et s'enfuit, suivie par Guibrac. « Nous sommes perdus, » dit-elle. « Perdus? Pourquoi? Nous ne connaissons pas ce monsieur, il ne nous connaît pas. »« Vous ne le connaissez pas? On me l'a montré dans un salon. Il se nomme Poimenu, un savant, une langue de vipère. Son sourire ironique en nous regardant indique qu'il a tout entendu. » La pauvre femme passa une nuit épouvantable. À son retour du musée Grévin, elle était montée à sa chambre sous prétexte de migraine et avait pu ainsi éviter le dîner en tête-à-tête avec son mari, à qui son trouble n'avait pas échappé. La lumière du jour, les bruits de Paris qui s'éveillent produisirent en elle l'effet ordinaire. Ils lui montrèrent moins effrayantes les choses démesurément grossies par le silence et les ténèbres. L'imprudente épouse se dit qu'après tout, si elle connaissait le témoin de la conversation sur le canapé, lui ne la connaissait pas, et ne connaissait pas davantage son mari. Dès lors, que pouvait-elle craindre? Qu'il racontât l'avoir vue au musée Grévin avec M. de Guimerac, eh bien, elle ne s'en cacherait pas. Elle dira à son mari que, passant devant ce musée, elle y était entrée par curiosité, y avait rencontré M. de Guimerac, qui l'avait guidée dans les caveaux, que la vue des scélérats dont l'image est exposée, l'histoire d'un crime, Marie-Antoinette dans son cachot, le tribunal révolutionnaire, l'assassinat de Marat, que tout cela l'avait troublée, rendue malade, etc., etc. Quant à la conversation entendue, sa réputation inattaquable la défendait contre les récits d'un homme connu pour sa langue vipérine. D'ailleurs, elle et son mari étaient ce soir invités à un grand dîner où devait se trouver M. de Guibrac. Elle raconterait à table l'effet terrifiant produit sur elle par les caveaux où ce dernier l'avait conduite, et il ne resterait rien des propos de M. Poimenu s'il se les permettait. Malgré l'apaisement de son inquiétude, Mme Valogne n'en voyait pas moins l'abîme dont elle s'était si étourdiment approchée, et il lui fallut de grands efforts pour dissimuler les préoccupations dont elle n'était pas entièrement délivrée. Le soir, à son arrivée au bras de son mari, dans le salon des hôtes amis, où plusieurs convives se trouvaient déjà, elle reçut l'accueil empressé auquel elle était habituée, y répondit avec la grâce aisée qui lui était ordinaire, et personne n'eût pu soupçonner qu'un terrible orage venait de gronder derrière ce visage si riant et si rose. On ne remarqua même pas le trouble et la pâleur subite de la jeune femme à l'annonce du nom de M. de Guibrac. Le nouveau venu pressa la main du docteur, salua Mme Valogne avec une familiarité respectueuse, et une conversation générale s'engagea. Il ne manqua plus qu'un convive. « Monsieur Poimenu !» annonça le domestique. Mme Valogne se sentit chanceler et s'assit toute tremblante. L'annonce, Madame est servie, ne permit à personne autre qu'à Guibrac de remarquer l'agitation de la jeune femme. Il lui offrit son bras. Ils passèrent dans la salle à manger, et la maîtresse de la maison fit placer Mme Valogne près du cavalier qui l'avait conduite à la table. Le dîner ayant sans doute beaucoup d'importance pour ceux qui en prenaient leur part, mais n'en pouvant avoir aucune pour les lecteurs, désireux avant tout de connaître l'aventure décisive du sourd qui n'avouait pas, j'arrive à ce dénouement inattendu, me bornant à mentionner l'émotion de Mme Valogne chaque fois que M. Poimenu la regardait. On avait versé le champagne, les têtes étaient échauffées, les conversations bruyantes. Une anecdote avait porté la gaieté à son comble, une autre lui avait succédé, puis une troisième. « Je vais vous en conter une bonne, » dit un convive, « écoutez cela. » On fit silence et il commença. Je ne nommerai pas le héros de l'aventure, sachez seulement que c'était un enragé pêcheur à la ligne. Un jour, ayant pêché un magnifique brochet et ce poisson lui ayant été servi pour son déjeuner, notre mari, ai-je dit qu'il était marié? Non, il l'était. Madame était jeune, jolie, tendre, bref, il mangea si goulûment son brochet qu'il se piqua dans le gosier une fâcheuse arête, laquelle, malgré les efforts du malheureux glouton pour la chasser, tint bon, et qu'il fallut se procurer un médecin en toute hâte. Mais où en trouver en pleine campagne à 6 lieues de Paris? Le conteur alors de faire connaître, avec force détails réjouissants, que l'épouse du pauvre homme, sous prétexte d'aller à Paris chercher un médecin, y alla en effet, mais pour surprendre agréablement un monsieur pour qui il avait des bontés et se réjouir avec lui pendant que le mari geignait avec son arête dans le gosier. L'histoire se termina au milieu de l'hilarité générale et M. Poimenu, qui avait participé de confiance, de s'écrier « Très drôle, excessivement drôle, mais j'en sais une, d'un mari également, dont la femme, c'est à se tordre. Écoutez cela. » C'est notre histoire du musée Grévin qu'il va raconter. Dit à demi-voix à Guibrac la pauvre Mme Valogne, plus morte que vive. Poimenu commença. Ce mari, dit-il, retiré aux environs de Paris au bord de la Marne, où il se livrait au plaisir de la pêche. Ici les convives commencèrent à se regarder entre eux. Le conteur continua. Comme mari, ses infortunes conjugales étaient connues. Nouvel étonnement des convives. Ce n'est pas notre histoire, dit tout bas Guibrac à sa voisine déjà rassurée. Poimenu continua. Un matin, il fit une pêche magnifique, dont une pièce superbe, un brochet. Ici, les rieurs indécis depuis les premiers mots de l'anecdote éclatèrent de rire. Le conteur allait toujours. En mangeant goulûment son brochet assaisonné à la sauce au capre, il se planta une arête dans le gosier. À ces mots, les convives de se tordre, et le conteur, fier de son triomphe, de s'écrier « Je vous l'avais bien dit que mon histoire était encore plus drôle que celle de monsieur. » Cette histoire, il n'en avait pas entendu un mot, et il raconta la même jusqu'au bout avec un succès poussé jusqu'au délire. Voilà comment Madame Valogne, aussi sûre désormais de la discrétion du voisin de canapé du musée que s'il eût été l'homme de cire qu'elle croyait, mais aussi éclairée sur le terrible danger auquel elle s'était exposée, jura, comme le corbeau de la fable, qu'on ne les prendrait plus. Seulement pour elle, il n'était pas trop tard, et rien ne fut perdu, pas même l'honneur conjugal du docteur Valogne. Seule la surdité de M. Poimenu ne fit plus de doute pour personne, et à cet égard, la chose fut bien entendue. Ainsi s'achève « Le sourd qui n'avoue pas » par Jules Moineau.